الله الشافعي من هذه التهمة لازم محمد بن الحسن وأخذ عنه فقه العراق وحديثه وكتب كتبه وسمعها عليه حتى قال حملت عن محمد بن الحسن حمل بختي ليس عليه إلا سماعي. Donc après qu'Allah Azzawajal ait sauvé l'imam al-Shafi'i de l'épreuve qu'on a vue avant l'Isha, il est resté en compagnie de Muhammad ibn al-Hassan en tant qu'élève. Donc Muhammad ibn al-Hassan donc, qui a intercédé pour lui, qui l'a défendu et en plus qui l'a accueilli après. Donc il a pris de lui le fiqh des gens de l'Irak. Donc là c'est important, c'est une nouvelle étape en fait dans la vie de al-Shafi'i. Après qu'il ait pris le fiqh des gens du Hijaz, de Muhammad ibn Khalid al-Zanji, de l'imam Malik, de Soufiane ibn Uyayna, et aussi des élèves de l'imam Malik, et il a pris le fiqh justement de Ahlul Hadith et aussi de Atta au Yémen. Maintenant il va se diriger vers une autre orientation en apprenant de Muhammad ibn al-Hassan. Ça ne veut pas dire que c'est une orientation que lui va adapter, mais il va apprendre de cette source là qui est l'Irak, et l'Irak qui a majorité. Ce qu'on trouve à majorité là-bas, c'est les fuqaha. Donc les gens du fiqh, mais qui font peser le fiqh sur le hadith. C'est-à-dire, ils mettent plus en avant le raisonnement, la comparaison, l'analogie, ils mettent plus ça en priorité vis-à-vis du hadith. Donc ils sont moins forts dans le hadith, ils reviennent moins au hadith, mais ils ont le don de retirer du hadith des ahkam, de voir la ressemblance entre différents points, entre différentes choses, etc. Même si, sans aucun doute, on remet aucunement en cause que le meilleur madhab dans les deux, c'est Ahlul Hadith. Ça, c'est sûr et certain. Ça, il n'y a aucun doute. Mais on ne renie pas qu'il y avait du bien dans Ahlul Ray. Et donc, Al-Shafi'i, dans cette orientation, il a pris justement le madhab des gens de l'Irak, c'est-à-dire le fiqh des gens de l'Irak, à travers le plus grand élève d'Abu Hanifa qui est Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Et il dit qu'il a écouté donc les livres de Muhammad ibn Hassan et il les a lus devant lui et il a écrit de lui au point où il a écrit de lui ce qu'un chameau, al-Bukhti, c'est-à-dire les chameaux de Khurasan, peut porter, c'est-à-dire une grande quantité de livres. Et il a dit laysa alayhi illa sama'i. Il dit encore, je n'ai écrit dans ces livres que ce que j'ai entendu de lui. Il n'y a pas des choses qui sont ajoutées. Ça, c'est juste ce qu'il a écouté de Muhammad ibn al-Hassan. Wa kana mu'azziman li Muhammad ibn al-Hassan tamam at-ta'zim ma'a ma yajri baynahuma min munadharat wa khilafat mashhura bayna al-madhhabayn. Fash-Shafi'i rahimahullah ala madhhab ahli al-hadith wa Muhammad ibn al-Hassan rahimahullah ala madhhab ahli ar-ray wa ma'lum ma bayna al-madhhabayn min ikhtilaf. Donc, al-Shafi'i respectait énormément Muhammad ibn al-Hassan, mais en même temps qu'il le respectait, il n'hésitait pas à débattre et ils avaient de longues discussions et de longs débats qui sont bien connus entre al-Shafi'i et Muhammad ibn al-Hassan. Donc al-Shafi'i qui représentait Ahlul Hadith et on peut même dire qu'il représentait le madhhab de l'imam Malik, et Abu Hanifa, ou plutôt pardon, Muhammad ibn al-Hassan qui représentait Ahlul Ray, les gens de l'opinion, les gens de l'analogie. Donc après, le cheikh ici, il raconte que al-Shafi'i, il respectait tellement Muhammad ibn al-Hassan qu'au début, il ne débattait pas avec lui directement. Il attendait qu'il parte de son cours et il débattait avec ses élèves qui avaient ses opinions. Et à force, après que le temps passe, Muhammad ibn al-Hassan a insisté auprès de l'imam al-Shafi'i pour avoir des discussions et des débats entre eux deux. Et à la fin, c'est ce qui s'est passé. Muhammad ibn al-Hassan et al-Shafi'i débattaient directement l'un avec l'autre. Et aussi, Muhammad ibn al-Hassan, donc al-Shafi'i avait pris de lui des livres, et il disait, « Anfaqtu ala kutimu Muhammad ibn al-Hassan, 60 dinara. » Il dit, « J'ai dépensé pour les livres de Muhammad ibn al-Hassan. » Donc c'est-à-dire, soit pour les prendre, soit pour écrire, pour acheter un support pour écrire de lui, 60 pièces d'argent. « Thumma tadabbartuha. » فوضعت إلى جنب كل مسألة حديثا يعني ردا عليها. Donc il a dit, j'ai dépensé 60 dinars pour ces livres, ensuite j'ai médité sur ces livres et j'ai mis à côté de chaque mas'ala, parce que c'est comme ça que les gens du fiqh à l'époque, et donc surtout les gens de l'Irak, présente le fiqh, c'est par, par mas'ala, mas'ala, par les questions à divergence, telle question, Alors que Ahlul Hadith, ils le font aussi, mais ils font aussi l'autre façon, qui est de, le fait de dire « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » et de là on sort des mas'a'il. Donc à côté de chaque mas'ala, il dit « J'ai écrit un hadith ». Sous-entendu, un hadith que n'avait pas Mohammed ibn al-Hassan et qui fait et qui réplique à son avis, à l'avis qu'il avait. Donc Al-Shafi'i dans sa démarche, il n'était pas l'étudiant qui prend du shir et qui se soumet et qui accepte tout, puisqu'il a été éduqué par Ahlul Hadith. Donc il a pris certes de Mohammed ibn al-Hassan, il l'a respecté énormément, mais il n'a pas hésité à lui répliquer et à être en désaccord avec lui quand le dalil le montrait. C'est-à-dire quand c'est ce qu'impliquait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rujou'uhu ila Mecca. Donc ça, c'est le premier voyage de l'imam al-Shafi'i en Irak. Donc on a vu que c'est un voyage forcé, mais qu'à la fin, il a été bénéfique pour lui. Donc au début, il est allé en tant que prisonnier, puis il a été libéré, et il a pu apprendre de Mohammed ibn al-Hassan à travers ce voyage. Donc ça, c'est son premier voyage en Irak. Et il faut savoir que déjà, dans son premier voyage en Irak, il a augmenté sa réputation et il s'est fait connaître. Justement, à votre avis, comment ? À travers les débats qu'il a eus avec les gens de l'opinion en représentant Ahlul Hadith. Et c'est là aussi que l'a découvert Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Donc son retour maintenant à la Mecque. بعد أن حصل الشافعي ما استطاع من علم العراق وكان قبل ذلك قد حصل من علم الحجاز من علم الحجاز شعر أن الوقت حان لنشر ما عنده من علم فقرر العودة إلى مكة بعد أن ذاع ذكره واشتهر أمره وعلى قدره وبدأ يلقي دروسه في الحرم المكي الذي سبق أن دار فيه طالبا للعلم من علمائه. Donc après que l'imam al-Shafi'i ait acquis toute cette science des gens de l'Irak, et il avait acquis auparavant la science des gens du Hijaz, il est revenu à son premier endroit qui est la Mecque. Là, donc, et il a enseigné à la mosquée sacrée, au Haram, là où auparavant c'était lui l'étudiant. Et là il est revenu en décidant que maintenant il allait répandre ce qu'il connaissait et enseigner ce qu'il connaissait. Et à ce moment-là, sa réputation elle était déjà énorme. Donc là, on retient, il avait à peu près un peu plus de 30 ans. Donc Abu Yusuf, il était mort, on avait dit, en 184, donc à l'époque où l'imam Shafi avait 34 ans. Et l'histoire de l'épreuve de Shafi, elle s'est passée un an après, donc il avait 35 ans. Donc son retour à Mecca, il était aux environs de l'âge de 40 ans, entre 35 et 40 ans. وفي موسم الحج كان يرد إلى مكة آلاف الناس من كل مكان لأداء فريضة الحج فكانوا يسمعون عن فتى قرشي قد بهر الناس علمه وفقهه فكانوا يحرسون على السماع منه فشاع بذلك ذكره في البلاد. Donc aussi, il y a beaucoup d'étudiants, de savants qui venaient pendant les périodes de pèlerinage à Mecca. Et ils entendaient parler donc d'un homme, un jeune homme Qurashi, qui avait dépassé tous les gens par sa science et par sa compréhension. Et donc les gens étaient assidus, les gens de quatre horizons étaient assidus à profiter de lui et à s'asseoir devant lui. والتقى به في هذه المدة كثير من العلماء وكانوا يعجبون بسعة اطلاعه واستحضاره وحرصه على متابعة السنة وعظم فقهه واستنباطه. Donc beaucoup de gens de science pendant cette période l'ont rencontré et ils étaient étonnés de ce qu'on appelle son ittila, c'est-à-dire la large connaissance de la science, c'est-à-dire qu'il avait entendu et lu beaucoup de choses, et la façon dont il se souvenait et il sortait facilement le dalil, et aussi sa façon à laquelle, par laquelle il suivait et il s'accrochait à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi son fiqh et son istinbat, c'est-à-dire la façon de comprendre les hadiths et d'en retirer des bénéfices. وكانوا يعجبون من أصوله التي أصلها وقواعده التي قاعدها وكلها مأخوذة من الكتاب والسنة وأكثرها لم يسمع به من قبل ومن أشهر من سمع منه هذه المرة الإمام أحمد بن حنبل. Aussi les gens, ce qui leur plaisait chez l'imam al-Shafi'i, c'est ses qawa'id et ses usul, c'est-à-dire il parlait de règles et il parlait de fondements, et ça c'était quelque chose de nouveau. Et ces règles et ces fondements, il ne les avait pas inventés. Il les retirait du Coran et de la Sunna. Donc à travers les dalils, à partir des dalils, des versets coraniques et des hadiths prophétiques, il retirait des règles générales qui allaient devenir les règles du fiqh, etc. Et ça, c'était assez nouveau pour les gens. Donc les règles en elles-mêmes, en vérité, elles n'étaient pas nouvelles. Elles étaient appliquées depuis toujours. Mais le fait de les exprimer comme ça et de les enseigner, pour les gens, c'était nouveau. Et c'est ce qui attirait beaucoup les gens chez lui. Et donc parmi ceux qui l'ont rencontré à ce moment-là, Ahmad ibn Hanbal. الذي وفد حجا إلى مكة ودخل المسجد الحرام للالتقاء بكبار العلماء والمحدثين وكان أشهرهم سفيان بن عيينة شيخ الإمام الشافعي. Donc Ahmed était venu en tant que pèlerin et en même temps il voulait profiter de rencontrer les fuqaha et les gens du hadith du haram. Et le plus connu c'était Sufyan ibn Uyayna, un imam de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, le cheikh de l'imam al-Shafi'i. ولكنه وجد شيئا في حلقة الشافعي لم يجده عند غيره لذلك بدأ الإمام بالاقتراب من حلقة الإمام الشافعي فرأى فيه شيئا جديدا غير رواية الأحاديث رأى فيه فقها وفهما ثاقبين وقواعد لم يكن سمعها من قبل. Donc il dit, cependant Ahmed il a vu dans le cercle de l'imam al-Shafi'i des choses qu'il avait jamais vues ailleurs et ça lui a fait préférer l'assise de Shafi'i à l'assise de Sufyan ibn Uyayna. Qu'est-ce qu'il a entendu de nouveau autre que les hadiths, le fiqh et la compréhension des hadiths et aussi des règles qu'il n'avait jamais entendues auparavant. فَبَدَأَ بِحُضُورِ حَلَقَتِهِ وَتَرَكَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَلَقَاتِ كِبَارِ الْمَشَيْخِ. Donc à cause de ça, il a délaissé les plus grands chouïrs du haram pour Shafi'i. قال محمد بن الفضل الفراء سمعت أبي يقول حججت مع أحمد بن حنبل فنزلت في مكان واحد معه فخرج باكرا وخرجت معه فدرت المسجد فلم أره في مجلس ابن عيينة ولا غيره حتى وجدته جالسا مع أعرابي فقلت يا أبا عبد الله تركنا ابن عيينة وجدت إلى هذا قال لي أسكت إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول وإن فاتك عقل هذا أخاف أن لا تجده ما رأيت أحدا أفقه من في كتاب الله من هذا الفتى قلت من هو قال محمد بن إدريس. Donc là c'est Mohammed ibn al-Fadl al-Farra qui parle de son père qui lui a raconté qu'il a fait le pèlerinage avec l'imam Ahmed. Il dit on dormait dans le même endroit et un matin Ahmed il est parti à la mosquée très tôt. Donc lui ensuite il est parti à la mosquée, il a tourné dans la mosquée pour trouver Ahmed. Et il ne le trouvait ni chez Ibn Uyayna, ni dans aucun cercle. Jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé chez un bédouin, comme il dit lui-même. Il dit, je l'ai vu devant un bédouin, à Arabi. Et je lui ai dit, ô Abu Abdillah, tu as laissé Ibn Uyayna et t'es venu devant celui-là. Et il lui a dit, tais-toi. Il lui a dit, si un hadith bi'ulu te manque, tu pourras l'avoir bi'nuzul. L'ulou, en langue arabe, ça veut dire la hauteur. Mais dans le vocabulaire des gens du hadith, l'ulou, c'est la petitesse d'un isned. Et nuzul, qui veut dire la descente en arabe, ça veut dire que le isned, il est long. Et les muhaddithoun, les gens du hadith, quand ils entendaient un hadith binuzul, c'est-à-dire que par exemple, il entend un tel, lui dit d'un tel, lui dit d'un tel. Mais ce troisième un tel, il est vivant. Actuellement, il est en train de faire hadith, mais dans une autre ville. Donc là, il l'a binouzoul. Et s'il va aller directement à l'entente de lui, il va faire sauter deux personnes. Donc il aura l'ulou. Donc Ahmed, il lui a dit, si tu rates l'ulou, qui est voulu, tu pourras l'avoir binouzoul, le hadith. Et de qui il voulait parler ? De toutes les autres halakat. Si tu rates le hadith, tu les auras plus tard. Même avec des isnad plus longs, mais tu les auras. Par contre, l'intelligence de celui-là, j'ai peur que si tu la rates, tu la trouveras nulle part ailleurs. C'est ce qu'il a dit sur Al-Shafi'i, rahimahullah. Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un avec une plus grande compréhension du livre d'Allah que ce jeune homme. Et l'autre, il lui a dit, c'est qui ? Il lui a dit, il s'appelle Muhammad ibn Idris. وعن إسحاق بن راهوي قال كنت مع أحمد بمكة فقال لي تعال حتى أريك رجلا لم ترى عيناك مثله فأراني الشافعي. إسحاق بن راهوي لامي de l'imam Ahmed, un imam parmi les imams des muhaddithin et des fuqaha, il raconte qu'il était aussi avec l'imam Ahmed à Mecca. Et il lui a dit, viens, je vais te montrer quelqu'un dont tes yeux n'ont jamais vu un semblable. Et il lui a montré Al-Shafi'i. Il y a une histoire un peu plus longue avec Ishaq, où Ahmed il lui a dit, viens, je vais te montrer quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais vu quelqu'un comme lui. Et sur le passage, il le ramène dans une assise et il trouve un homme de pas très vieux, donc la trentaine. Et c'est lui qui était assis au centre et qui parle. Donc Ishaq, Ahmed il dit à Mohamed ibn Idris, il s'appelle Ishaq ibn Rahawi. Et Mohamed ibn Idris, il le, yani hayyahu wa rahababi. Il lui a dit marhaba, hayyak Allah, etc. Il lui dit salam, il lui dit des bonnes paroles. Il le met à l'aise et après il commence à se dire des hadiths, à réviser. Et Ishaq il dit, j'étais choqué de sa mémoire et de son talent dans le hadith. Après il prend Ahmed, il dit bon, maintenant on va chez l'homme que tu m'avais dit. Et il lui avait dit c'est celui-là. Il lui a dit c'est celui-là. Il dit quoi, c'est celui-là dont tu me parlais depuis tout à l'heure? Et il dit oui mais, et là il lui a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Et après Ishaq a découvert, comme si, il avait découvert mais après il a encore mieux compris de qui il s'agissait. وعن الحميد قال كان أحمد بن حنبل قد أقام عندنا بمكة على سفيان بن عيينة فقال لي ذات يوم ها هنا رجل من قريش له بيان ومعرفة. Donc là c'est Al-Humaydi, un des grands savants du hadith. Il dit j'étais avec Ahmed à Mecca et on allait chez Ibn Uyayna. Et un jour il m'a dit, il y a ici un homme de Quraysh qui a al-bayan, l'éloquence et de la connaissance. فقلت له من هو؟ قال محمد ابن إدريس الشافعي وكان أحمد بن حنبل قد جالسه بالعراق فلم يزل بي حتى اشترني إليه. Donc il dit, j'ai dit c'est qui? Il a dit c'est Mohamed ibn Idris al-Shafi'i. Et Ahmed le connaissait du premier voyage de Shafi'i en Irak. Il l'avait déjà vu. Et il a tellement insisté que le Humaydi, il dit à la fin, il m'a tiré avec lui. Et je suis allé devant ce Shafi'i. فجلسنا إليه ودارت مسائله. فلما قمنا قال لي أحمد بن حنبل كيف رأيت. Donc il dit on s'est assis devant lui et on a parlé de différentes questions. Et à la fin Ahmed il m'a dit alors qu'est-ce que tu as pensé de lui. فجعلت أتتبع ما كان أخطأ فيه وكان ذلك مني بالقرشية يعني من الحسد. Il dit et moi j'ai commencé à souligner que ses erreurs et c'était en vérité une jalousie de moi parce qu'il était Qurashi. فقال لي أحمد بن حنبل فأنت لا ترضى أن يكون رجل من قريش تكون له هذه المعرفة وهذا البيان أو نحو هذا القول تمر مئة مسألة يخطئ خمسا أو عشرا اترك ما أخطأ وخذ ما أصاب. Et l'imam Ahmed il l'a réprimandé, il lui a dit tu n'es pas content qu'un homme de Quraysh ait cette connaissance et cette éloquence. Il a parlé de 100 questions, il s'est trompé dans 5 ou 10 et toi tu ne parles que de là où il s'est trompé. Laisse où il s'est trompé et prend celle où il a eu raison. Donc là bien sûr le masail c'est des masail fiqhiyya, c'est-à-dire dans les khilaf, etc. Et c'est ainsi qu'Al-Shafi'i donc pendant à peu près 9 ans a continué l'enseignement à la Mecque. Et rihlatuhu thaniya ila al-Iraq. L'étape suivante dans la vie de Shafi'i, c'est un autre voyage en Irak. Donc un voyage qui est déjà différent dans le sens où cette fois-ci il y est allé de bon gré. Et il y est allé en tant que l'imam al-Shafi'i, puisque ça y est, il avait atteint l'imam. Rahil al-Shafi'i marratan thaniyatan ila al-Iraq sanata 95 wa 100. Il est parti en 195, donc à l'âge de 45 ans, pour une deuxième fois en Irak. Walakin rihlatu hadhihi al-marra takhtalifu 'an rihlatihi al-ula, fa rihlatu hadhihi al-marra mukhtaran wa qad sabaqahu ila Baghdad hadhihi al-marra. شهرة وذكر بثهما كبار المحدثين والفقهاء كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعبد الرحمن بن مهدي وكتب الله له القبول هناك وأقبل الناس على ما عنده وتركوا ما عندهم. Et cette fois-ci, il était précédé dans son voyage d'une réputation énorme que lui avait faite notamment l'imam Ahmed, l'imam Ishaq ibn Rahawi et Abd al-Rahman ibn Mahdi. Trois imams du hadith qui ont parlé de lui et qui ont parlé de sa science. Et donc cette réputation a précédé Al-Shafi'i avant même qu'il arrive en Irak. Pour l'histoire, Abdurrahman ibn Mahdi, le troisième qui a été cité ici, donc qui est lui-même un grand savant du hadith, un imam du hadith, c'est lui la cause pour laquelle Al-Shafi'i a écrit son fameux livre Al-Risala, qui n'est pas un gros livre, c'est un tome, mais dans la science, c'est un des plus gros livres qui existent. C'est quelque chose, c'est une œuvre énorme. Et c'est Abdurrahman ibn Mahdi, alors que l'imam Al-Shafi'i n'était pas très vieux, qui lui a écrit une lettre et lui a dit, je voudrais que tu m'écrives une lettre ou un écrit sur ce qui concerne comment comprendre le Coran et comment comprendre la Sunna et de quel hadith on peut se servir et desquels on ne peut pas se servir et ce qui concerne le consensus, l'abrogeant, l'abrogé, etc. Et c'est là que sont nés, c'est-à-dire ou plutôt qu'ont été mis à l'écrit et qu'ont été bien classifiés Usul al-Fiqh, la science de Usul al-Fiqh. Le premier écrit qui a été fait dedans, c'est cette risala. Al-Risala qui veut dire la lettre, puisque c'était une lettre à Abdurrahman ibn Mahdi. Et il l'a réécrite plus tard en Égypte. Donc cette Risala, elle est jusqu'à présent, elle est dans nos mains. An Abi Thawrin قال لما ورد الشافعي رضي الله عنه للعراق جاءني حسين القرابيسي وكان يختلف معي إلى أصحاب الري فقال قد ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه فقم بنا نسخر به. Là, c'est Abu Thawr qui deviendra un des élèves de Shafi'i. Il dit, quand Shafi'i est venu en Irak, Hussein al-Karabisi, donc il faisait partie de Ahlul Kalam, pas seulement de Ahlul Ray, mais carrément de Ahlul Bida', Ahlul Kalam. Il dit, c'était mon compagnon avec qui on allait chez les gens de l'opinion pour apprendre, donc les fuqaha. Et il m'a dit, il y a un homme des gens du hadith qui vient d'arriver en Irak, yatafaqqa, c'est-à-dire apparemment, il a du fiqh, il lui a dit viens, on va aller se moquer de lui. Pourquoi? Parce que Ahlul Ray, ils voyaient que dans le raisonnement, personne ne peut être comme eux. Et Ahlul Hadith, ils sont forts dans le Hadith, mais ils n'arrivent pas à raisonner comme eux. Faqama wa dhahabna hatta dakhalna alayhi. Fa sa'alahu al-Husayn al-mas'ala, fa lam yazal al-Shafi'i yaqul qala Allah 'azza wa jalla wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta aghlam 'alayna al-bayt. Et donc Abu Thawr dit, on est allé chez lui, et Al-Hussein, donc qui était parti pour se moquer de lui, il lui a posé une question, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la nuit tombe. Et Al-Shafi'i ne faisait que dire, Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Pour chaque question, il avait des preuves. Et il dit donc, tous les deux, on l'a suivi, on a laissé notre bid'a pour le suivre. Et Ahmed ibn Hanbal aussi, c'est là aussi qu'il a profité de lui, et il a dit كانت أقضيتنا أصحاب الحديث في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا الشافعية وكان أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث. L'imam Ahmed a dit après de lui أقضيتنا, c'est-à-dire les fatwas et les jugements, était dans les mains des élèves d'Abu Hanifa, et nous, les gens du hadith, on n'arrivait pas à leur en enlever. C'est-à-dire, ils avaient le fiqh, jusqu'à ce que vienne Al-Shafi'i, qui était Afqahounes, qui était la personne qui avait le plus de fiqh et le plus de compréhension. Et sachant qu'il venait de qui, lui? De Ahlul Hadith. Et donc, il a dit, c'est lui qui avait le plus grand fiqh dans le Coran et la Sunna. Donc, finalement, il a réuni les deux. Il avait le hadith, mais dans le fiqh, c'est pas seulement qu'il a dépassé les gens du fiqh et les gens du raï, c'est qu'aussi il a purifié leur raï, puisque beaucoup de leur raï et de leur opinion, justement, elle n'est pas bonne, puisqu'elle contredit beaucoup de hadiths. Mais lui, il a purifié ce raï, et le qiyas, etc., et il a allié les deux. Et c'était ça, en fait, qu'a ramené, entre guillemets, on va dire, entre guillemets, la nouveauté, si on peut dire, de l'imam al-Shafi'i. C'est qu'avec la force du hadith, il a allié le fiqh et Ar-Ray, mais Ar-Ray purifié, Ar-Ray saint, avec le Qiyas, etc. Et donc il a réuni les deux forces, le fiqh et le hadith. وعن الحسن بن محمد الزعفراني قال كان أصحاب الحديث رقودا حتى أيقظهم الشافعي. Un savant disait, les gens du hadith dormaient jusqu'à ce que Shafi'i les ait réveillés. C'est pour ça notamment on trouve que l'imam Ahmed rahimahullah, en parlant du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la tête de chaque 100 années, Allah envoie quelqu'un donc pour revivifier la religion et écarter le mensonge de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed disait, pour la première centaine, c'est Omar ibn Abdel Aziz, puisqu'il était là vers les années 100. Et il disait, pour la deuxième centaine, c'est-à-dire vers les années 200, c'est Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. وقال إبراهيم الحربي رحمه الله قدم الشافعي بغداد وفي المسجد الجامع الغربي 20 حلقة لأصحاب الري. Un autre savant, Ibrahim al-Harbi, il dit, quand al-Shafi'i est arrivé à Bagdad, dans la grande mosquée de Bagdad, il y avait 20 cercles des gens de l'opinion. أهل الري. لما كان في الجمعة الثانية لم يثبت منها إلا ثلاث حلقات أو أربع حلقات. Il a dit, le Jumu'ah suivant, une semaine après que Mohammed ibn Idris soit arrivé, il ne restait plus que 3 ou 4 cercles aux gens de l'opinion. Mohammed ibn Idris, il avait pris tout le monde. وَلَمْ تَكُنْ إِقَامَتُهُ فِي الْعِرَاقِ مُسْتَمِرَّةِ بَلْ كَانَ يَتَرَدَّدُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةِ قَالَ الْحَسَنُ مُحَمَّدْ أَزْعَفَرَانِ قَدِمَ عَلَيْنَا الشَّافِعِيُّ سَنَةَ 95 و100 فَأَقَامَ عِنْدَنَا سَنَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَكَّةِ ثم قدم علينا سنة 98 و100 فقام عندنا أشهرا ثم خرج إلى مصر. Donc là encore, on voit que Al-Shafi'i avait, et c'était un grand voyageur, il ne restait jamais à un endroit très longtemps. Donc son habitation en Irak, elle n'était pas continuelle. Il est d'abord resté 2 ans. Donc là c'est rapporté par Al-Hassan ibn Muhammad al-Za'farani. Il dit, Al-Shafi'i est venu chez nous en Irak en 195. Il est resté 2 ans, puis il est reparti à Mecca, et il est revenu en 198, et il est resté quelques mois. Donc on voit qu'il est venu en 195 jusqu'en 197. Donc il a dû partir un peu moins d'un an à Mecca, et revenir en Irak pour y rester quelques mois. Et ensuite, la dernière étape de l'imam Shafi'i, c'était où? C'était en Égypte. Donc, pour mieux comprendre encore une fois, on va insister sur ça, c'est que ce deuxième voyage de l'imam al-Shafi'i, c'est là que la force de l'imam al-Shafi'i s'est montrée. Puisque au sein, il est dans le foyer de Ahl al-Ray, il est parti les battre, entre guillemets. Il est parti prendre la suprématie sur eux dans le fiqh et dans la science. Par le hadith. Donc il est parti jusqu'à en Irak pour, dans le centre de Ahl al-Ray, dans le foyer de Ahl al-Ray, prendre la suprématie sur eux avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça, comme on l'a vu au tout début du cours, qu'il a été nommé Nasirul Hadith. C'est pour cette chose-là. C'est parce qu'il est celui qui a fait face aux gens de l'opinion par le hadith, sans perdre de valeur dans le fiqh. Rihlatuhu ila Misr. Maintenant son voyage en Égypte. Donc, je vais le faire comme ça tout de suite en français. Donc al-Shafi'i, quand il était en Irak, il commençait à avoir des troubles dans la capitale de l'Irak. Donc il y a deux genres de troubles que les historiens disent qu'ils ont pu pousser al-Shafi'i à partir. Les premiers troubles, c'est des guerres entre l'Amin et le Ma'moun. Al-Amin, qui avait une armée d'Arabes, qui était un émir à la base, et qu'il y avait une armée d'Arabes avec lui, et le Ma'moun, qui était plus soutenu par les Perses. Et donc il y avait des conflits de guerre entre les Perses et les Arabes. Et donc al-Shafi'i, lui, il était arabe pur. Donc il pouvait ressentir soit un danger ou soit une humiliation à vivre dans un pays où les Perses ont pris la suprématie en humiliant les Arabes. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, elle est plus probante, c'est que al-Ma'moun a pris le pouvoir, donc dans la dynastie des Abbasides, et il était très proche de Ahlul Kalam, les gens de la spéculation et de la philosophie. Et c'est lui qui a fait traduire les écrits des philosophes grecs. Et il a mis les Mu'tazila, donc des innovateurs, à tous les postes. Et c'était eux ses aristocrates. Et donc al-Shafi'i sentait venir la fitna de loin. Et il a eu raison. Puisque, par exemple, l'imam Ahmed, lui qui est resté à Bagdad, on sait la souffrance qu'il a vécue à cause d'Al-Ma'moun. Qu'il l'a fait emprisonner, qu'il l'a fait exiler, etc. etc. Donc, sentant venir la fitna de la part des gens de l'innovation et de la philosophie, al-Shafi'i serait parti en Égypte pour pouvoir pratiquer la sunna et appeler à la sunna tranquillement. Et il disait avant de partir, parce qu'en fait il ne savait même pas exprimer pourquoi il partait. Il disait لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر ومن دونها أرض المهامة والقفر فوالله لا أدري ألي الفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى القبر. Donc il parlait en poème. Il disait, voilà que mon âme désire partir en Égypte, alors que là-bas c'est la terre du désert et de l'Qaf, c'est-à-dire comme la solitude, le vide, etc. Ou plutôt c'est la terre du souci et du désert. Et par Allah, je ne sais pas si c'est vers le succès et la richesse qu'on me conduit ou si on me conduit vers la mort. Et en vérité, c'est vers les deux qu'il a été conduit en Égypte. À la fois vers le succès, puisque c'est là-bas finalement que prendra pied son madhhab, et en même temps c'est là-bas qu'il va mourir. Rahimahullah. Donc quand il est arrivé en Égypte, il est rentré dans Jami'a Amr ibn al-As, la grande mosquée qui s'appelait la mosquée Amr ibn al-As, en référence à Amr ibn al-As, radiallahu anhu, et il a commencé à faire le tahdith, donc c'est-à-dire à répéter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps à apprendre les gens le fiqh dans ce hadith, dans cette mosquée, et les gens l'ont aimé et se sont accrochés à lui. Comme le dit donc Harun ibn Sa'id al-Ayli, il dit, lorsque Al-Shafi'i est venu vers nous, je n'avais jamais vu quelqu'un comme ça. On nous avait dit, voilà un homme de Quraysh qui arrive. Donc on est venu le voir et on l'a vu prier. Et on n'avait jamais vu prier quelqu'un comme lui, avec une prière aussi belle et aussi bien faite que la sienne. Et je n'avais jamais vu quelqu'un qui avait un visage aussi beau que le sien. Et quand il a parlé, j'avais jamais entendu parler quelqu'un qui parle aussi bien que lui. Donc ils ont vu arriver un phénomène chez eux en Égypte. Et là, donc c'est à la fin, donc Shafi'i, entre guillemets, il était là au sommet de sa science. Et il avait pris avec lui tous ses livres, et il révisait dans ses livres, ce qu'il n'avait pas pu faire, peut-être, parce qu'il était occupé en Irak. Donc en Égypte, il avait avec lui tous ses livres, et il s'est mis à réviser et à changer ses avis, selon ce qu'impliquait le dalil et le fiqh. Et donc c'est là qu'il a exprimer ce qu'on appelle al-madhhab al-jadid, c'est-à-dire les nouvelles opinions de al-Shafi'i. Donc il est revenu sur certaines questions, et donc le madhhab de l'imam al-Shafi'i que les gens suivent jusque maintenant, c'est le madhhab, ou en tout cas ça doit être, c'est censé être le madhhab qu'il avait en Égypte, pas celui qu'il avait en Irak. Donc c'est pour ça que dans les livres de fiqh du madhhab al-Shafi'i, on peut trouver fil qadim ou fil jadid, c'est-à-dire avant il disait ça, après il a dit ça. C'est-à-dire, quand il était en Irak, dans son deuxième voyage, il disait telle opinion. Et en Égypte, fil jadid, il disait telle opinion. Et ce qui doit être suivi, c'est-à-dire celui qui veut suivre la fatwa de l'imam Shafi'i, il doit suivre sa fatwa et son avis qu'il a dit en Égypte, parce que c'est sur ça qu'il est mort. Donc il a eu un grand impact sur les gens et sur les savants de l'Égypte, notamment dans le fait de s'accrocher au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de changer d'avis si le hadith l'implique. Comme il le disait l'imam Ahmed, que l'imam al-Shafi'i, il disait ce qui était fort chez lui, c'est qu'il changeait d'avis pour le hadith. S'il découvrait un hadith, il changeait d'avis. Il n'avait pas honte de changer d'avis pour suivre un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, il a réglé al-Ta'assub, puisqu'en Égypte, les gens étaient soit accrochés aveuglément et à pleines dents à Abu Hanifa, ou soit à Malik. Et donc lui, avec sa force et son fiqh et sa démonstration, ben il a réuni tout le monde sur un autre fiqh entre guillemets, et des nouveaux avis. Donc Al-Shafi'i, maintenant on va parler de sa mort, il était très occupé donc à la science, à l'enseignement, à tel point qu'il a été atteint de Al-Bawasir, comme on dit déjà, les hémorroïdes, ce qui lui causait des hémorragies, etc. Mais malgré ça, il continuait à s'asseoir, à rester, à patienter dans la mosquée, parce qu'il aimait trop l'ain, et il est mort en 204. Donc regardez, quand on vous dit l'imam Shafi'i, vous vous imaginez un vieillard avec une grande barbe blanche. Il avait 54 ans quand il est mort. C'est-à-dire qu'à 35 ans déjà, c'était l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et ça rappelle Mu'adh ibn Jabal, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le plus savant du halal et du haram, c'est Mu'adh. Et Mu'adh, si je me souviens bien, il est mort à 38 ans. Mu'adh ibn Jabal. Ça rappelle aussi l'imam An-Nawawi qui est mort dans ces âges-là. C'est-à-dire il avait un âge pas très avancé. Ensuite, donc là, قال المزني donc son grand élève raconte دخلت على الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيه فقلت له كيف أصبحت يا أستاذ. Et il raconte Al-Muzani, quand Shafi'i était dans sa maladie, qui allait le faire mourir, je suis rentré chez lui et je lui ai dit, comment vas-tu ? Ô Oustad, ô mon professeur. Faqala asbahtu min ad-dunya rahilan, wa li ikhwani mufariqan. Il dit, voilà que, asbahtu, c'est-à-dire je me retrouve comme partant de cette vie, et comme me séparant de mes frères. Wa li ka'sil maniyati shariban. Et voilà que je bois le verre de la mort. Et je vais être exposé à Allah. Et je vais rencontrer mes mauvaises actions. Et il dit par Allah, je ne sais pas. Est-ce que mon âme part au paradis pour que je la félicite, ou est-ce qu'elle part en enfer pour que u'azziha? C'est-à-dire je suis désolé pour elle, entre guillemets. ثم رمى بطرفه الى السماء واستعبر وانشد. Ensuite il a regardé le ciel, رحمه الله, il a dit اليك اله الحق ارفع رغبتي وان كنت يا ذا المن والجود مجرما. Donc je vous le relis. اليك اله الخلق ارفع رغبتي وان كنت يا ذا المن والجود مجرما. Il dit, c'est vers toi, ô le dieu de la création, que je dirige mon espoir, même si, ô toi qui es le détenteur des bienfaits et de la générosité, je suis un criminel. Il dit, quand mon cœur est devenu dur, alors j'ai fait de mon espoir en toi et en ton pardon un escalier, c'est-à-dire un intermédiaire. Ta'avamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana afwuka a'zama. Il dit, mon péché me semble énorme, mais quand je l'ai comparé à ton pardon, ô mon Seigneur, ton pardon était plus grand. Tu ne cesses de pardonner les péchés, et tu ne cesses d'être généreux, et tu pardonnes par bienfait de ta part. Minnatan wa takarruma. فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم. Si ce n'était toi, aucun de tes serviteurs n'aurait échappé à Iblis. Comment alors que il a dévié ton صفيك, c'est-à-dire ton bien-aimé Adam. فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مأثما. Si tu me pardonnes, tu pardonnes certes à un rebelle, un injuste qui ne cesse de faire des péchés. وَإِن تَنْتَقِمْ مِنِّي فَلَسْتُ بِآيِسٍ وَلَوْ أُتْرِلَتْ نَفْسِي بِجُرْمِي جَهَنَّمَا. Et si tu te venges de moi, je ne désespère pas, même si mon âme était rentrée à cause de mes crimes en enfer. فَجُرْمِ عَظِيمٌ مِنْ قَدِيمٍ وَحَادِثٍ وَعَفُوكَ يَا ذَا الْعَفْوِ أَعْلَى وَأَجْسَمَا. Il dit, car mes crimes sont énormes, les anciens comme les nouveaux, mais ton pardon, à toi qui détiens le pardon, est plus haut et plus énorme encore. Ça, c'est cette vers qu'il a dit avant de mourir, rahimahullah ta'ala. Donc, dans le chapitre suivant, il a parlé de ses chouyours. Mais ça, on va le passer, pourquoi ? Parce qu'on a déjà beaucoup parlé des chouyours et les plus importants qui étaient Soufiane ibn Uyayna et Malik ibn Anas, et aussi au début, Muslim ibn Khalid al-Zanji et Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Sinon, il en a cité d'autres aussi, comme Abdel Aziz al-Daraourdi aussi, qui est connu parmi les muhaddithines. Et aussi Waqi', bien sûr, l'imam des muhaddithines, Waqi' ibn al-Jarrah. Donc il a appris chez eux et il les a rencontrés. Maintenant, il va parler d'un autre point, c'est la rencontre entre l'imam Ahmed et al-Shafi'i. Et l'imam Ahmed donc, et al-Shafi'i se sont rencontrés, et al-Shafi'i était plus vieux que l'imam Ahmed. Mais malgré cela, l'un a profité de l'autre. Donc même al-Shafi'i montrait qu'il avait profité de l'imam Ahmed, alors qu'Ahmed c'était lui l'élève. Et l'imam Ahmed disait à propos de al-Shafi'i, « لَقَدْ كَانَ يَذُبُّ عَنِ الْأَثَرِ. » Al-Shafi'i défendait les athar, c'est-à-dire les hadiths. وبسنده يعني البيهقي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال أبي قال لنا الشافعي إذا صح عندكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا حتى أذهب إليه. عبد الله le fils de Ahmed rapporte que son père lui a dit الشافعي m'a dit, donc الشافعي disait à Ahmed, si le hadith est authentique chez toi, c'est-à-dire si tu le considères authentique, informe-moi pour que je l'adopte, c'est-à-dire pour que j'en fasse mon opinion. Donc il reconnaissait la suprématie dans la science du hadith à l'imam Ahmed. Et il disait, quand tu considères qu'un hadith est authentique, dis-le-moi, comme ça je l'adopte. وعن أحمد بن أبي عثمان قال سمعت أحمد بن حنبل يقول كان أحسن أمر الشافعي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله. أحمد disait aussi, la meilleure chose que j'ai vue chez Al-Shafi'i, c'est que quand il entendait un hadith qu'il ne connaissait pas, il délaissait sa parole et il prenait le hadith. C'est-à-dire, il disait en conformité avec le hadith. وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول أحمد بن حنبل أكبر من الشافعي تعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث من أحمد بن حنبل. Donc là, c'est Abu Hatim qui disait Ahmed est plus grand que Al-Shafi'i, car Al-Shafi'i a appris des choses qui concernent la connaissance du hadith d'Ahmed ibn Hanbal. Wa qala Abdullah ibn Ahmed qala li abi qala lana Al-Shafi'i antum a'lamu bil hadith wal rijal minni fa idha kana al hadith sahihan fa a'limuni in sha'a an yakuna kufiyan aw basriyan aw shamiyan hatta adhaba ilayhi in kana sahihan. Donc là, c'est encore l'imam Ahmed qui raconte que Shafi'i lui disait « Vous êtes plus savant du hadith et de ses rapporteurs que nous. Donc si un hadith est authentique chez vous, dites-le nous. Qu'il vienne de Koufa, de Basra, du Shem ou de n'importe quel endroit, afin que je l'adopte. « Wa kana Shafi'i wa Ahmed yattafiqani fi usulihima akthar min ittifaq Shafi'i wa Muhammad ibn al-Hassan. » Et il est sûr que, comme il l'a dit le cheikh ici, Ahmed et Al-Shafi'i s'accordaient dans la plupart de leurs bases et de leurs fondements beaucoup plus que ne s'accordait Al-Shafi'i avec son ancien cheikh Mohammed ibn al-Hassan. Leurs bases n'étaient pas les mêmes, alors que les bases de Ahmed et de Shafi'i sont très proches. Wa kana Al-Shafi'i asannu min Ahmad bi bid'ata 'ashara sana wa kana Al-Shafi'i qadima Baghdad awwalan سنة 89 في حياة محمد بن الحسن بعد موت أبي يوسف. Donc ça on l'a déjà vu, et il dit que Al-Shafi'i était plus vieux que l'imam Ahmed d'à peu près entre 13 et 19, c'est-à-dire une quinzaine d'années, on va dire, de plus de 10 ans. Le point suivant, ce sont les élèves de l'imam Al-Shafi'i. Donc on va voir que l'imam Al-Shafi'i, il a laissé des élèves qui eux-mêmes sont des imams de l'islam, et des exemples pour les musulmans et des références. Donc le plus connu, ou en tout cas un des plus connus, Al-Rabi' ibn Sulayman ibn Abd al-Jabbar ibn Kamil Al-Muhaddith, Al-Imam, Al-Faqih Al-Kabir, Baqiyat Al-A'lam Abu Muhammad Al-Muradi Mawlahum Al-Misri Al-Mu'adhinu Sahib Al-Imam Al-Shafi'i Wa Naqid Al-Ilmihi Wa Shaykh Al-Mu'adhinin Bijami' Al-Fistat Wa Mustamli Mashayikh Al-Waqihi. Donc il est né en 174, donc c'est Al-Rabi ibn Sulayman, et c'est lui qui a rapporté les livres de Al-Shafi'i. Quand vous lisez Al-Umm, à chaque fois, qu'est-ce qui est écrit? Qala Al-Rabi ibn Sulayman, Qala Al-Shafi'i. Donc c'est-à-dire qu'Al-Umm, le grand livre de l'imam Shafi'i, qui est très gros, il l'a dicté à Al-Rabi et Al-Rabi l'a répété. C'est pour ça, comme j'avais entendu un cheikh, il s'étonnait, il disait, il avait trouvé un docteur qui disait qu'il avait découvert une des plus grandes fautes dans l'histoire de l'héritage musulman. Car il disait, cette faute c'est quoi? Que je vous révèle, que j'ai découvert, c'est que Al-Umm ne vient pas de l'imam Shafi'i. Quelle est la preuve? Dedans c'est écrit Al-Rabi Adi. Quand il n'avait rien compris. Pourtant c'était un docteur, il n'avait rien compris du tout à l'histoire. C'est que le livre de Shafi'i, c'est que Shafi'i l'a dicté Al-Rabi. Et Al-Rabi c'est lui qui l'a transmis. Donc c'est normal qu'au début c'est écrit « Qala al-Rabi'a ». C'est comme Al-Muwatta. Al-Muwatta, c'est pas écrit Qala Malik. C'est écrit Qala Yahya ibn Yahya al-Laythi, Qala Malik. Parce qu'il a eu plusieurs rapporteurs en Muwatta. Ou alors Qala Abu Mus'ab al-Zuhri ou d'autres. Donc Al-Shafi'i disait à Al-Rabi' Law amkanani an ut'imak al-'ilm la at'amtuka. Il lui disait, si je pouvais te donner la science à manger, je l'aurais donné à manger. Al-Shafi'i disait ça à son élève Al-Rabi'. Et il disait aussi Al-Rabi' rawiyat kutubi. Al-Rabi' est celui qui transmet mes livres. Et il est mort en 270. Donc il avait, mashallah, 96 ans. Ensuite, un autre, c'est Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya ibn Ismail ibn Amr ibn Muslim al-Muzani. Donc pour retenir tout ce nom, vous dites al-Muzani. Il est connu comme ça. Al-Misri, al-Imam al-Allama, faqih al-Millah, al-Alam al-Zuhad, tilmidh al-Shafi'i, wulida sanata 75 wa 100. Il est né en 175, comme al-Rabi'a. Et il a un livre qui est très connu et qui s'est très très répandu dans toutes les contrées de l'islam, c'est al-Mukhtasar. Mukhtasar al-Muzani. C'est le résumé du fiqh de l'imam al-Shafi'i. Donc c'est un livre pour les débutants, dans les premières étapes de l'apprentissage du fiqh de l'imam al-Shafi'i. Il y a beaucoup qui l'ont expliqué, à tel point qu'avant les gens ils disaient, quand une vierge se marie, il faut que dans le paquet de la vierge, c'est-à-dire tous les trucs qu'elle va utiliser le soir, eh ben, il faut qu'elle ait le Mukhtasar de Muzani. Les gens disaient ça avant. Il est mort en 264, donc à l'âge à peu près de 89 ans. Encore un autre, Abu Abdillah, Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Hakam, ibn A'yun ibn Layth, l'imam, Sheikh al-Islam, Abu Abdillah al-Misri al-Faqih. Donc lui c'est, si vous voulez retenir son nom, c'est Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Hakam. Il est né en 182 et c'était un grand savant de l'Égypte à son époque avec al-Muzani. Le chef, une fois, il l'a regardé et il était sur son chameau, c'est-à-dire Abu Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, ibn Abd al-Hakam, il était sur son chameau. Le chef, il l'a regardé et il a dit, j'aimerais bien avoir un enfant comme lui, même si je devais pour ça avoir une dette de 1000 dinars que je n'arrive pas à rendre. C'est-à-dire, il dit, j'aimerais bien avoir un enfant comme cet homme. Et c'est sûr que sortant de la bouche de l'imam al-Shafi'i, c'est une sacrée éloge. Un autre élève de Shafi'i, c'est celui qu'on appelle Al-Buwaytri. Donc la kunya c'est Abu Ya'qub et il s'appelait Yusuf ibn Yahya al-Misri Al-Buwaytri. Et lui aussi, lui-même, c'est devenu un grand imam de l'islam et qui est resté longtemps avec l'imam Al-Shafi'i. Comme il dit le Cheikh ici, Kana imaman fil-ilm, qudwatan fil-amal. C'était un imam dans la science et un exemple dans l'action. Zahidan Rabbaniyan, un ascète et un éducateur. Mutahajjidan, quelqu'un qui priait beaucoup la nuit. Da'im al-dhikri wal-ukufi ala al-fiqh. Il faisait toujours du dhikr et il parlait toujours donc du fiqh. Qala al-Shafi'i, laysa fi ashabi ahadun a'lamu min al-Buwaytri. Al-Shafi'i disait, dans mes compagnons, il n'y a personne de plus savant que al-Buwaytri. Umtuhima fi fitnati al-qawli bi khalqi al-Qur'an wa sabara wa mata fi sijnihi rahimahullah. Al-Buwaytri, comme l'imam Ahmed, il a été éprouvé dans la fitna qui consistait à contraindre les savants à dire que le Coran est une création. Et lui, il a patienté comme l'imam Ahmed et il est mort en prison. Donc l'imam Ahmed, il faut savoir que ce n'est pas le seul à avoir été tenté, mais c'est le plus connu. Ou alors on peut dire que c'est celui qui a le plus souffert ou le plus patienté. Il y avait notamment Mohammed ibn Nuh, qui avait été dos à dos avec l'imam Ahmed sur le même chameau, lié et les mains dans le dos, pour être exilé en Irak par Al-Ma'moun. Et il y a aussi Al-Buwaytri, l'élève de Al-Shafi'i. قال الربيع بن سليمان كان البويطي أبدا يحرك شفتيه بذكر الله وما أبصرت أحدا أنزع بحجة من كتاب الله من البويطي ولقد رأيته على بغل في عنقه غل وفي رجليه قيد وبينه وبين الغل سلسلة فيها لبنة وزنها 40 رطلا. الربيع, donc le premier élève qu'on a cité, disait à propos de son collègue Al-Buwaytri, il disait toujours, ses lèvres étaient en train de bouger parce qu'il mentionnait Allah. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui sortait aussi vite une preuve venant du livre d'Allah que Al-Buwaiti. Et il dit, et je l'ai vu sur une mule avec un carcan à son cou et des attaches à ses pieds, des menottes à ses pieds. Et entre le carcan et les chaînes qu'il avait aux pieds, il y avait une chaîne qui reliait les deux avec une grosse brique qui faisait 40 rythmes, c'est-à-dire c'était une unité par laquelle il pesait et il mesurait à l'époque. وهو يقول إنما خلق الله الخلق بكون فإذا كانت مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق. Et il disait, dans cette situation, il disait Allah Azza wa Jal a créé la création en disant kun, en disant soit. Donc si cette parole est créée, puisqu'ils disent qu'Allah ne parle pas, et que ces paroles, c'est des paroles qu'il a créées, si ça s'est créé, donc tout a été créé par une créature. Donc il disait c'est impossible. وَلَئِنْ أُطْرِبْتُ عَلَيْهِ لَأَصْدِقَنَّهُ يعني الْوَافِقُ. Et il disait, et si on me fait rentrer jusque devant Al-Wafiq, le troisième frère d'Al-Ma'moun qui lui a succédé et qui faisait souffrir les gens à cause de son frère, il disait, si on me ramène jusqu'à devant lui, je vais lui dire ce que je pense et je lui dirai la vérité. وَلَعَمُوتَنَّ فِي حَدِيدِ هَذَا حَتَّى يَأْتِي قَوْمٌ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فِي هَذَا شَأْنِ قَوْمٌ فِي حَدِيدِهِمْ. Il dit, je mourrai dans ces chaînes pour que des gens viennent après et sachent que des gens sont morts dans ces chaînes pour cette affaire-là. Et il est mort effectivement comme ça, en Irak, en l'an 231. Et il a eu beaucoup d'autres élèves, mais ça c'était les plus connus, et c'était ses derniers élèves en Égypte. Maintenant on va parler, donc pour finir, on va parler très succinctement des livres de l'imam Shafi'i. Donc le plus connu c'est Al-Umm. Al-Umm qui est un grand livre, et c'est sur le fiqh. Donc c'est avec le wudu, la salat, la zakat, etc. avec les avis de l'imam Al-Shafi'i et qui existe jusqu'à maintenant et qui est édité au complet jusqu'à maintenant. Et il y a d'autres livres que souvent ils mettent à la fin de l'Umm. Un livre qui s'appelle Jima'u al-Ilm. Donc c'est un livre dans lequel l'imam Al-Shafi'i défend le hadith et montre que le hadith est une preuve. Un autre qui s'appelle Ibtal al-Istihsan, dans lequel il a répliqué aux savants du madhab Hanafi. Ibtal ou l'istihsan. L'istihsan, c'est le fait de légiférer que ceci est halal ou haram, bilistihsan, c'est-à-dire parce qu'on voit que c'est bien. Bon, ça c'est vite résumé, hein, ce que je vous dis, bien sûr. Celui qui veut plus de détails sur l'istihsan, il revient, et c'est pour ça l'imam Shafi'i disait Man istihsana faqad shara. Celui qui pratique l'istihsan a légiféré, en dehors d'Allah. Après aussi, Kitab, Irtilaf Malik wa Shafi'i. Un livre sur la divergence entre Malik et Al-Shafi'i. Et ça, c'est un livre qu'Al-Shafi'i a longtemps hésité à écrire. Et il faisait salat l'istikhara pour savoir est-ce que je le sors aux gens ou pas. C'est quoi ce livre? C'est un livre dans lequel il montre les erreurs, entre guillemets, de l'imam Malik. C'est-à-dire là où l'imam Malik a contredit les hadiths. Là où il s'est trompé. Où le hadith dit autre que l'opinion de l'imam Malik. Pourquoi, à votre avis? Donc même après sa mort, l'imam Malik, il impressionnait les gens. Pourquoi? Parce que Shafi'i, il respectait son grand shirk qui était l'imam Malik, qui est le plus grand shirk qu'il a eu finalement. Et par respect pour lui, et parce qu'il était de Ahlul Hadith, il ne voulait pas lui répliquer. Contrairement à Muhammad ibn al-Hassan, il lui respectait et tout, mais comme il était de Ahlul Ray, il n'a pas hésité à lui répliquer, et à montrer, etc. Mais Malik ibn Anas, non. Il hésitait, est-ce que je sors le livre pour montrer ses erreurs ou pas? Et à la fin, il l'a quand même fait. Et ils disent, les historiens, que la cause pour laquelle il l'a fait, c'est parce qu'il avait entendu dire qu'en Andalousie et au Maghreb, les gens, ils avaient une taqiyya, le qulun, soit un chapeau de l'imam Malik, et ils cherchaient la guérison à travers ce chapeau. Et que quand on leur disait, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils répondaient, oui, mais Malik a dit. Donc quand il a vu ça, il s'est dit qu'il fallait remettre les choses à leur juste valeur, et même l'imam Malik, rahimahullah, et il a sorti son livre, Irtilaf Malik, ou Khilaf ou Malik. Il a aussi un rad ala Muhammad ibn al-Hassan, un livre qui est une réplique contre Muhammad ibn al-Hassan, sur notre grand shir. Et il a surtout le livre qui s'appelle Ar-Risala, dont on parlait tout à l'heure, qui est le livre qui va lancer l'écriture dans Usul al-Fiqh. et qui va faire de usul al-fiqh une discipline et une science à part entière dans l'islam. Alors qu'auparavant, usul al-fiqh c'était une science qui était pratiquée naturellement. C'est-à-dire le faqih, il a des hadiths, et de ces hadiths, il retire que ceci est halal et que ceci est haram. Par des règles qui se transmettaient comme ça. Et lui, l'imam Shafi'i, vu la divergence entre les gens de l'opinion et les gens du hadith, et la multitude de fatawa et de madhahib, il a décidé que cette science, il fallait la mettre à l'écrit pour tout clarifier. Clarifier ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire à partir du Coran, à partir de la Sunna. Et c'est là qu'est née l'écriture de, et la mise à écrit de Usul al-Fiqh, des fondements du fiqh. Donc le premier à avoir écrit dans ce sujet, c'est l'imam al-Shafi'i. Et jusqu'à maintenant, ben, ça reste tout simplement le meilleur livre qui a été écrit dans ce sujet, malgré qu'il soit court. Il n'est pas long, mais ça reste le meilleur livre qui a été écrit à ce sujet. Et comme on a dit, c'est un livre qui a été écrit parce que on lui a demandé. C'est Abdurrahman ibn Mahdi qui lui avait demandé des éclaircissements sur ce sujet. Et après, il l'a écrit. Et Abdurrahman ibn Mahdi disait, je ne pensais pas qu'un jour j'allais voir quelque chose comme ça. Comme le livre de l'imam al-Shafi'i. Il y a aussi un autre livre qui est assimilé à al-Shafi'i, c'est Al-Musnad. C'est-à-dire un livre de hadith de l'imam al-Shafi'i. Donc c'est ce qu'on pouvait dire sur l'imam al-Shafi'i, et on aurait pu parler aussi de son madhab en tant que tel, quels sont ses fondements, comment il fonctionne, et aussi surtout de sa aqida, et montrer que l'imam al-Shafi'i était sur la aqida des salafs. Il a revivifié, il a défendu la aqida, c'est-à-dire la croyance des salafs, et c'est lui qui disait, mon jugement sur Ahlul Kalam, c'est-à-dire sur les spéculateurs, les jahmiyas, les philosophes, c'est qu'on les attache sur des ânes et qu'on les fasse tourner dans des marchés et que les gens de la rue les frappent avec leurs sandales. Ça, c'est l'opinion de Shafi'i sur Ahlul Kalam. Donc, pour les prochaines, Inch'Allah, donc la semaine prochaine, ça sera soit Hammar, soit Kamel. Donc moi, ça sera dans 3 semaines. Et on verra. On fera peut-être l'imam al-Bukhari, ou j'aimerais bien faire les auteurs des 6 livres, Muslim, Abu Daoud, etc. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.